N'aie pas peur. Tu sais que quoi que tu me dises, je resterai à tes côtés. Petite sœur, ouvre-moi ton cœur. Alors ça y est, t'es amoureuse, mais dis-moi que je le connais. Il est gentil, attentionné, il a su te faire craquer. Ça doit sûrement être quelqu'un de bien pour que tu l'aies remarqué. Alors dis-moi, comment il s'appelle? Bien c'est marrant, lui aussi s'appelle Michel. On contrôle pas ces choses-là, ça tombe sans qu'on l'explique. À qui la peine si son cœur bat pour toi et que mes yeux piquent. On contrôle pas ces choses-là, même si j'ai mal au cœur. À qui la peine si Michel préfère ma petite sœur? Dis-moi comment tu l'as rencontré. Comment il est physiquement? Est-il grand et baraqué et suffisamment amusant? Il a de longs cheveux châtains et des yeux bleus en amande. Une peau douce jusqu'au bout des mains, un grain de beauté en haut de la jambe. Bien c'est marrant que tu me dis ça, ma copine a justement le même. D'ailleurs dans moins d'une heure elle vient. Elle voulait me parler d'un problème. Non, non, non, je sais pas ce que c'est. Pourquoi à toi elle t'en a parlé? On contrôle pas ces choses-là, ça tombe sans qu'on l'explique. À qui la faute si son cœur bat pour toi et que mes yeux piquent? On contrôle pas ces choses-là, même si j'ai mal au cœur. À qui la faute si Michel préfère ma petite sœur? Dis au tien de venir aussi, on va se faire une sortie. Tous les quatre fois que Michel aura parlé de ses soucis. Et comment ça, il veut pas me voir? Mais il me connaît même pas. Ah bon, il m'a déjà vu et c'est pour ça qu'il veut plus entendre parler de moi. Mais qu'est-ce que tu fais à ma copine? Pourquoi t'embrasses Michel comme ça? Oh mon Dieu, les cheveux longs châtains, la peau douce jusqu'au bout des mains. J'aurais dû comprendre plus tôt que ma Michel était homo. On contrôle pas ces choses-là, ça tombe sans qu'on l'explique. À qui la faute si son cœur bat pour toi et que mes yeux piquent? On contrôle pas ces choses-là, même si j'ai mal au cœur. À qui la faute si Michel préfère ma petite sœur? On contrôle pas ces choses-là, ça tombe sans qu'on l'explique. À qui la faute si son cœur bat pour toi et que mes yeux piquent? On contrôle pas ces choses-là, même si j'ai mal au cœur. À qui la faute si Michel préfère ma petite sœur?